Voilà un nouveau qui débat. Deviens les connaisseurs. Deviens les connaisseurs. Sorti de la capitale, de ses rues sales et musicales. Tu croyais que j'allais rester là, endormi sur le microphone, alors que je pourrais rapper des heures et devenir un MC trop fort. Après 2-3 années de galère, on sort des souterrains, en studio ou dans la cave, on pose rappeur tout terrain. Je pensais que je me laisserais aller à regarder le temps passer, mais le rap et moi c'est comme le troisième doigt, impossible de s'en passer. Beaucoup croient pas en nous, ils nous font des sourires moqueurs. Je préfère travailler mon son que travailler à foutre le cœur. Bien entendu, les temps sont durs, t'inquiète, on se plaindra pas. On rêve de percer dans le peur, même si on sait qu'il y a plein de rapaces. On m'avait dit de laisser tomber, je serais jamais dans le hip hop. Tu t'es trompé, gars, y'a mon son à fond dans ton hip-hop. Tu priais pour que je me la raconte, car j'ai fait 2 ou 3 sons, poto. Un petit conseil, vas-y doucement sur la boisson. C'est Carnat 24 carats, fais écouter dans ton poste, à ton pote, à ton boss. Chez toi les MC sont pauvres. Voilà un nouveau qui débarque, préviens les connaisseurs. Préviens ceux qui croyaient pas, ceux qui me taillaient pendant des heures. Les Carnat que tu entends, retiens ce nouveau blast. Depuis le temps que l'on m'attend, cette fois j'ai pas raté l'occasion. Voilà un nouveau qui débarque, préviens les connaisseurs. Préviens ceux qui croyaient pas, ceux qui me taillaient pendant des heures. Carnat au microphone, retiens ce nouveau blast. Produit explosif dangereux, près d'une bouteille de gaz. J'arrive à fond dans le championnat du rap, pas de match amical. Sorti de la capitale, de ses rues sales et musicales. En pleine élévation, quitte à parler de révélation. Je viens pour m'en sortir, esquiver la relégation. Je vise haut, je me donne à fond, tant mieux si tu t'identifies. Dis-leur que j'arrive en scred pour faire brûler ta chénifie. Je viens péter les baffes, les bacs, je m'en bats de ceux qui bavent. Viens d'en bas et on se bat pour que les jalousies crament. Me parle pas de grosses caisses ou de mallettes de dollars. De prison, tu connais quoi, du mal-être des taulards. Je suis entré, reste à trouver la sortie du labyrinthe. Je réussirai grâce à l'envie, pas au produit des Richard Viringue. Je reste indépendant, j'ai signé mon autoproduction. Certains pensaient que c'était la fin, mais j'en suis qu'à l'introduction. Tu croyais quoi? Tout ça c'était pas fait pour moi. J'arrive en outsider, en plus je remporte le tournoi. Voilà un nouveau qui débarque, préviens les connaisseurs. Préviens ceux qui croyaient pas, ceux qui me taillaient pendant des heures. Les Carnat que tu entends, retiens ce nouveau blast. Depuis le temps que l'on m'attend, cette fois j'ai pas raté l'occasion. Voilà un nouveau qui débarque, préviens les connaisseurs. Préviens ceux qui croyaient pas, ceux qui me taillaient pendant des heures. Les Carnat au microphone, retiens ce nouveau blast. Produit explosif dangereux, près d'une bouteille de gaz. Voilà un nouveau qui débarque, préviens les connaisseurs. Préviens ceux qui croyaient pas, ceux qui me taillaient pendant des heures. Les Carnat que tu entends, retiens ce nouveau blast. Depuis le temps que l'on m'attend, cette fois j'ai pas raté l'occasion. Voilà un nouveau qui débarque, préviens les connaisseurs. Préviens ceux qui croyaient pas, ceux qui me taillaient pendant des heures. Les Carnat au microphone, retiens ce nouveau blast. Produit explosif dangereux, près d'une bouteille de gaz.